Unité 6. Les verbes pouvoir, vouloir, devoir et falloir. Je dois être à l'aéroport avant 10h. Je peux passer devant vous? Non, il faut faire la queue, comme tout le monde. Deux. Conjugaison. Vouloir. Je veux. Tu veux. Il veut. Elle veut. On veut. Nous voulons. Vous voulez. Ils veulent. Elles veulent. Pouvoir. Je peux. Tu peux. Il peut. Elle peut. On peut. Nous pouvons. Vous pouvez. Ils peuvent. Elles peuvent. Devoir. Je dois. Tu dois. Il doit. Elle doit. On doit. Nous devons. Vous devez. Ils doivent. Elles doivent. Attention à l'ordre des mots dans la phrase négative. Je ne veux pas partir.